C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles mal. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles mal. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles mal. Je les baisse. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles mal. Je les baisse. Ça a trop changé au quartier. J'passe là-bas, y'a même pas un chat. Ici personne se contente d'une moitié, ça veut régner sur le quartier, même si dedans y'a le chip. Ambitieux comme Ragnarok, Brock, faut aller vers l'argent, il verra pas un stand dans le bloc. On touche pas la coque comme cette folle de Hancock. Et encore, on peut même plus la fourrer, trop de drogue dans le corps. Elle veut me faire croire que je ne vole pas droit comme ce putain de porc. Tu comprends, si je te nique ta mère, c'est que tu mérites ça. Le peuple en le planque, et si y'a une bonne prod, t'inquiète, on kick ça. Oh là là, les blablabla qui tournent sur moi. Oh là là, je les baise à tous et je prends sur moi. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baisse. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baisse. Je les ai niqués fort, en plus de ça, je fais pas d'efforts. Pas d'effort. Ma prison, elle est dorée. Mon arrivée dans le game, elle est hardcore. J't'ai pas attendu le cause pour faire de la musique et puis travailler le buzz. Oh là là. J'ai senti la secousse, au sud je dors jamais, j'ai le cerveau qui se creuse. Et on s'en fout de ta putain de grosse caisse. Moi je réveille tout le monde quand je passe à la tête. Et on veut pas de ton aide ni de ta pièce. Touche pas la famille, ou en rouge on va repeindre ta pièce. Oh là là, les blablabla qui tournent sur moi. Oh là là, je les baise à tous et je prends sur moi. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baisse. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baisse. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baisse. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baisse. Oh là là, les blablabla qui tournent sur moi. Oh là là, je les baise à tous et je prends sur moi. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baise. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baise. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baise. C'est la guerre, on met le porte-parole si tu parles. Je les baise.